Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans le Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les Patriots. Pour m'accompagner ce soir, il est de retour le président du Fan Club. Bonsoir président. Salut à toutes et salut à tous. Et pour nous accompagner également un petit nouveau, si le Foot US se jouait à 12, il serait ce 12e joueur, vous l'aurez sans doute reconnu, The 12 Man. Bonsoir Régis. Bonsoir Cédric, bonsoir mon prez et bonsoir à tous les membres. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur le match face aux Washington Redskins. Nous donnerons évidemment nos impressions, nous poserons la question sur cette attaque, est-ce qu'elle était en manque d'efficacité? Nous parlerons bien évidemment du jeu de course qui a été performant. Nous poserons la question si ce match n'a pas été joué sous un train de sénateur par les Patriots. En deuxième partie d'émission, nous parlerons bien entendu de la blessure de Dion Lewis et nous se demanderons comment repenser cette attaque. En troisième partie d'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez posées et elles sont nombreuses et on vous en remercie déjà par avance. Et en dernière partie d'émission, le match face aux Giants. Il me reste en tout cas à vous souhaiter une bonne émission. Le Fight Club français des New England Patriots, épisode 3, c'est parti. Vingt-sept-dix, c'est le score face aux Washington Redskins. Un petit tour rapidement sur les statistiques. New England 460 yards, Washington 250. Deux turnovers de chaque côté, dont la première interception de Brady. Sur les stats personnels, justement, Brady 299 yards, 2 TD. En face, Kirk Cousins fait 217 yards, 1 TD, 1 interception. Côté Patriots, au niveau de la course, LeGarrette Blount 29 portées, 169 yards et 1 TD. Et côté de la réception, Brandon LaFell fait un match à 102 yards et 5 réceptions. Amendola, 55 yards pour 5 réceptions. Et Gronkowski, seulement 47 yards. Rapidement, du côté de Washington, Pierre Garçon est à 70 yards. Crowder est à 50 et Roberts est à 26 yards. Première question, rapidement messieurs, votre impression sur ce match? Vas-y Régis, je t'en prie. J'ai été globalement un peu déçu de notre prestation parce que c'était bon, par rapport au match des Jaguars où on avait su prendre l'avantage rapidement et creuser un écart assez conséquent. Je trouve que là on a démarré pied au plancher et on s'est ensuite un peu endormi sur nos lauriers et puis au final bon, très clairement moi je me suis ennuyé hein, pendant toute la partie quasiment. Il n'y avait pas grande opposition en face de nous. Puis je pense qu'on s'est contenté de gérer ça. Sachant qu'on était largement supérieur dans à peu près tous les compartiments du jeu. Donc je pense que c'est un peu la synthèse qu'on peut faire de cette rencontre. Alors, je vais reprendre un point. Cédric, tu as dit que c'était la première interception de Tom, de Brady, c'est sa deuxième. Il a eu une interception, je ne sais plus dans quel match, mais c'est a priori sa deuxième de la saison. Pour revenir simplement à ce qu'on disait pour ce match, non, moi j'ai... Bon, je pense que je suis obligé de suivre sur ce que dit Régis. Oui, effectivement, c'était pas le match de l'année. On s'est pas régalé et il restera sans doute pas dans les annales. Sauf que pour un prétendant au titre comme l'équipe des Pats, je pense que c'est le genre de match qu'il faut gagner, rapidement gagner, c'est-à-dire se mettre à l'abri très rapidement. Honnêtement, entre le premier touchdown et le onside kick qui a suivi, je pense qu'on peut comprendre que c'est ce que voulait faire Belichick, c'est-à-dire se mettre à l'abri très rapidement et limite casser le match tout de suite en menant très rapidement. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi du coup j'étais assez satisfait de cela. Maintenant c'est vrai que pour le spectacle c'était pas fabuleux. Oui, c'était clairement le match piège par excellence, ce que je disais un peu dans notre dernière émission. C'était Washington, c'était je pense le match piège par excellence. Une équipe qui était capable de faire un comeback, on s'est mis rapidement à l'abri. Ce côté-là, c'est effectivement une bonne performance. Ce qui peut expliquer en partie, vous allez me donner votre avis, sur ce match, on a l'impression qu'ils ont vraiment évolué un peu comme des sénateurs, assez tranquillement. même trop tranquillement des fois, parce que au final, 27 points face à Washington, sachant qu'en deuxième mi-temps, on en a mis à peine que 10. Ouais, je te trouve sévère, j'allais dire. Non, c'est pas sévère, parce que ce que tu dis, c'est des chiffres et tu as raison. Mais si on regarde un petit peu la mise en place du match, on se rend compte que si tu regardes le temps de possession lors du premier quart-temps, les Pats, ils sont à peu près à 13 minutes de possession. Les Redskins, ils sont à 2 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, on les a mangés au niveau de la possession de balle. Alors, bien sûr, le onside kick a un petit peu joué en notre faveur à ce niveau-là. Mais rapidement, on a mené, je crois, 17-0 et on était à 17-3 à la mi-temps, quoi. Donc, c'était 14-0 et 17-3 à la mi-temps. Donc, le match, en fait, il était plié. C'est-à-dire qu'à 17-3 à la mi-temps, tu ne voyais pas les Redskins revenir. Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais à aucun moment, je me sentais en danger, quoi. Oh non, c'était un niveau extrêmement faible. Enfin, ça se sentait parce que on n'était pas en danger. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Olivier. C'est vrai qu'il y a pas un instant dans le match où on a senti que les Pats pouvaient être inquiétés. Que c'est ce peut-être soit... pour ça que tu t'es ennuyé d'ailleurs. Oui, c'est bien possible, oui. Que ce soit d'ailleurs par l'attaque de Washington ou même par sa défense, on n'a jamais senti qu'il pouvait stopper Brady, Blount ou nos receveurs, quel que soit le moment du match. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le temps de possession, c'est vrai qu'on a fini le match à 37 minutes de possession contre à peine 23 du côté de Washington. Donc Ouais, on voilà, tu vois, ça je la connaissais pas, cette stat, mais voilà, ça va dans ce sens-là, ouais. leur a quasiment mis un quart-temps de possession dans la vue quand même. Ouais, c'est énorme. C'est vrai que ouais, c'est assez énorme. Il y avait au niveau des first down aussi que j'ai vu une stat assez impressionnante, alors je ne l'ai pas noté. 27 contre 16. De quoi donc? Des first down. Des first down, voilà, oui, voilà. Un truc dans le style, j'ai regardé les first down, c'était assez impressionnant, ouais. Donc là, pareil, il n'y a pas eu de match, quoi. Non, mais même sur quand tu regardes le total des plays, 76 versus 56, c'est énorme de ce côté-là. On a été très performants, c'est un match facile, sans trop forcer. C'est ça. Mais c'est un match qu'il faut gagner de cette manière-là, parce que si trop dans le passé, on Oui. s'est fait des matchs contre les Bills où on gagne, et à la fin, on se fait une frayeur, on gagne 40 à 37 en se faisant remonter dans les derniers quart-temps. Donc finalement, c'est un match où, oui, encore une fois, on s'est pas régalé, mais on est content, enfin en tout cas, moi, je suis content du résultat et de la manière finalement qui est assez propre. Je suis assez content. Bon, bien sûr, je suis content du résultat. Je suis pas partisan de mettre 30 ou 35 points à chaque match qu'on a l'habitude de le faire en général. Dans les conditions avec la blessure de Lewis, Oui, c'est un bien sûr. joueur comme ça qui se blesse, je pense que d'un coup, toute l'équipe en prend un coup et finalement tu te contentes d'un 7 à 10, quoi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire, oui, seulement 27 points contre Washington, c'est une demi-contre-performance, mais au final, moi ça me dérange pas, c'était plus le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de rythme dans le match. C'est aussi traduit par le fait que pour une fois, nos running backs et surtout Blount ont pas mal porté le ballon. Donc forcément, ça a fait manger pas mal de chrono et les habitudes qu'on a en général de balancer des passes à tout va comme avec Tom, qui nous faisait scorer forcément davantage. Là, en temporisant un peu plus le jeu, forcément, on avait au résultat, on mettait moins de points, quoi. Exactement. C'est comme ça que je le ressens. La grosse satisfaction de ce match-là, c'est quand même le jeu de course, parce que Lagar and Blood fait quand même 4,4 yards par course en moyenne, ce qui est quand même, je pense, de ce côté, une très bonne performance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça cette saison. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure performance au niveau de la course. Donc Oui, c'est ce qu'on attendait, voilà, c'est clairement ce qu'on attendait. clairement. Donc je pense que de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Ce qu'il faut retenir, je pense, principalement de ce bat, c'est qu'on a quand même retrouvé. Alors, évidemment, sans la blessure de Dion Lewis, mais par là au niveau du débat, mais est-ce que c'était un vrai coureur ou c'était in fine plus un receveur? Le vrai jeu de course en tant que tel, celui qui va porter le ballon et qui va courir avec, sur ce match-là, on l'a retrouvé, notamment la Garrett Blount. En tout cas, c'est de bon augure, ça veut dire qu'on a travaillé et que c'est un match qui nous a servi à travailler sur notre jeu de course. C'est ça, c'est un match un peu référence pour la course, je pense. Et puis je pense aussi que ça va faire du bien à la confiance de Blount qu'on ne voyait pas trop depuis le début de saison. Et puis là, faire 29 portées, il me semble que c'est son record en carrière, je crois, en un seul match. Je pense que ça va lui faire du bien, il va retrouver un peu de rythme avant d'attaquer le match des Giants et surtout celui de Denver dans 3 semaines. Donc je pense que finalement, c'est une bonne chose, le gros match de Blount. Totalement aussi, c'est qu'il participait à énormément de snaps offensifs. Il en a fait 47 snaps offensifs, ce qui est énorme. C'est d'ailleurs son record de la saison. Donc de ce côté-là, il a été pleinement impliqué dans cette attaque sur ce match, qui est plutôt au final un bon point parce qu'il s'en sort avec de très bonnes stats. Donc c'est très bien pour la confiance et pour la suite de la saison. Messieurs, à vous de poser la question habituelle, vos tops et vos flops concernant ce match. Alors, pour mon top, on va éviter Blount, puisque évidemment, c'est lui qui a porté l'équipe, qui est la satisfaction du soir, et on en a parlé tout à l'heure. Moi, je vais mettre un petit peu l'accent sur la prestation de Lafell. Parce que, Cédric, tu te souviens, quand lors de l'épisode 1 de l'émission, on en avait discuté un petit peu avec Fred, et lui, il mettait son flop sur Lafell, et moi, j'avais dit que non, dans mes tops, je mettais justement le retour de Lafell, même s'il avait merdé avec des relâchés, des lâchés de ballon et des drops, etc. On avait quand même un retour de ce grand receveur. Et là, honnêtement, je trouve que ça y est, il est officiellement de retour avec 5 réceptions, plus de 100 yards. Il lui manquait plus que finalement un touchdown et c'était bon. Donc pour moi, c'est vraiment le point positif, c'est le retour de Lafell qui vraiment permet une polyvalence en attaque aérienne. Qui va faire du bien à tout le monde et certainement à Edelman qui s'essouffle un petit peu ces derniers temps. Alors pour le flop, du coup je viens de parler d'Edelman, donc j'ai envie de le mettre un petit peu dans les flops, même si c'est mon chouchou. Il allait encore lâcher un ballon, donc c'est vrai que je pense qu'il est dans une phase un petit peu de moins bien. Je pense que le retour de Lafell va lui faire du bien. L'émergence, sans doute Régis en parlera tout à l'heure, d'Amendola fait aussi que ça doit être un petit peu plus dur pour lui. On parle de difficultés. Il a quand même malgré tout marqué un super touchdown. Il termine quand même deuxième meilleur marqueur de, enfin pas marqueur au niveau de, en termes de réception du match avec 55 yards. Il met donc un touchdown. Il fait une réception de plus de 20 yards. Donc non, quand même. Voilà, dans les flops, il reste quand même un flop très modéré. Non, le vrai flop, je dirais que c'est plus la blessure de Lewis qui m'a vraiment, vous savez que j'adore ce joueur, qui m'a vraiment catastrophé. On en parlera sans doute tout à l'heure, puisque tu l'as dit, ça va être le sujet du débat, donc on va pas trop rentrer là-dedans, mais bon, il se fait quand même les croisés, et c'est vraiment une sale blessure, quoi, surtout pour un jeune joueur comme ça. Donc voilà, le flop, entre guillemets, mais c'est pas un flop, c'est plus une tristesse qu'autre chose, c'est la blessure de Lewis. Je vais juste finir sur ce que disait le Prez en parlant de blessure. Il y a également eu la sortie de Vollmer en fin de troisième tiers-temps, il me semble. Ouais, c'est vrai. Bon, ça n'a pas l'air trop grave, d'après ce qu'on sort dans la presse. Et il y a aussi eu un troisième joueur qui a... Harmon aussi est sorti sur blessure. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que sur ce match-là, on a quand même pris cher au niveau des blessures, au niveau du physique. C'est vrai. C'est dommage. Sinon, oui, pour mon top et mon flop, en top, je vais mettre forcément le match de LeGarrette Blount au sol. D'une, déjà, sa performance à titre personnel. C'est vrai que ça fait plaisir de le revoir passer la barre des 100 yards. Et également sur le simple fait que le jeu au sol est de retour. Hein. C'est vrai que depuis le début de saison, Tom envoyait entre 40 et 50 fois, ou même plus de 50 fois à la passe. Et puis là, voir le jeu un peu plus vers le sol, ça peut pas faire de mal. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et je voulais aussi mettre l'accent sur la prestation de Branch en défense, qui on a quand même limité les skins à 37 yards au sol, et je trouve que l'intérieur de la ligne défensive a fait un match énorme, et surtout Branch. Il a vraiment fait du bien, ouais, je suis d'accord avec toi. Il est pas très médiatisé au sein du roster, et c'est un peu dommage, que je trouve qu'il fait vraiment un boulot énorme, que ce soit l'année dernière pour aller chercher le titre, ou même depuis le début de saison. Je pense que son expérience fait beaucoup de bien à Isley et à Brown, qui a un peu de mal, lui, par contre, à émerger, on va dire. C'est un joueur que j'aime bien, et je trouve qu'il a fait un super match dimanche. Alors, moi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Brown, parce qu'avec Cédric, on l'avait un petit peu, je sais pas si tu te souviens, Cédric, un peu critiqué lors de la première émission. Et c'est vrai qu'il avait fait un mauvais match. C'était le match contre les Jets, je crois, dont on parlait. Voilà, là clairement, il s'est hyper bien repris, et je suis entièrement d'accord avec toi, Régis. Il a fait du bien à cette défense, alors, clairement. Moi, je pense que c'est un des hommes de base de la ligne défensive sur lequel il faut s'appuyer pour la suite de la saison, et puis aussi pour la progression des jeunes rookies et deuxième année qu'on a recruté l'année dernière. Quoi. Clairement, ouais. Et pour tes flops, alors, tu l'as dit ou pas? Et pour mes flops, j'ai surtout noté le manque de rythme en attaque. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être un peu plus de variété dans la distribution des passes du côté de Tom, et mettre un peu plus de rythme dans cette attaque pour pour creuser un écart peut-être un peu plus conséquent ou éviter de s'endormir en troisième quart-temps. C'est sûr. Après, je pense que Bill, il a vous fait un petit peu volontairement beaucoup jouer Blount pour mettre au repos les Gronkowski, Chandler et même peut-être Amendola, parce que je pense que c'est C'est la plus pour question, ça. c'est la question que je voulais aussi vous poser. Alors, est-ce que c'est pas une volonté de la part du staff de un peu mettre de côté Edelman ou Gronk Je avec les pense. échéances qui viennent, ou est-ce que finalement est-ce que c'est juste le hasard? Ou est-ce que vraiment c'est sa volonté de mettre en lumière un peu d'autres joueurs comme l'a fait le dimanche dernier ou Amendola le match précédent? Très clairement, c'est pour impliquer d'autres joueurs. Déjà, pour refaire revenir, je pense, le jeu de course, pour le faire exister, parce qu'on va en avoir besoin cette saison, et même pendant les playoffs, ça va être un point clé de cette saison. Et évidemment, pour faire revenir l'AFL, qui n'est que son deuxième match de la saison, donc pour l'impliquer d'autant plus. Donc oui, je pense que c'est un vrai choix d'avoir fait, entre guillemets, tourner les titulaires. Oui, je vais juste rajouter un petit top en pensant à Chandler Jones pour son sac sur Cousins, qui c'est juste une satisfaction personnelle, c'est qu'il prend tout seul la place de leader en termes de sac. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé du côté des Pats. Oui, et surtout il prend la place devant ton collègue des Texans. Bah, et surtout, ouais, J.J. Watt, et il y a derrière quand même des joueurs comme Cameron Wake, ou enfin des habitués des places de leader dans ce domaine-là. Ah, il est vraiment impressionnant, Chandler Jones. C'est une bonne nouvelle pour lui, étant donné qu'il va renégocier son contrat en fin de saison. Ça tombe bien, ouais. et peut-être un peu moins pour nous, s'il va falloir lâcher les billets. C'est ça, plus tu comptes celui d'Hightower aussi, ça va nous coûter cher cette intersaison, je pense. Parlons de cette intersaison, hein, parlons de prolongation, hein, Josh Klein vient de prolonger 2 ans il y a une petite heure de ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Exactement, oui. Enfin, de la stabilité dans cette ligne offensive. Alors, justement, moi, concernant mon top et mon flop, mon top concerne cette ligne offensive, et notamment un joueur, Stoke. Donc, c'est à la fois mon top sur Stoke et Big Belichick, parce que Stoke, il a joué le match en right tackle. Exact. En laissant Andrews comme centre. Et voilà, en laissant Andrews comme centre. Ça, c'est énorme. Tout le match, donc voilà, c'est vraiment, je pense, un vrai top du côté là-dessus, et ça relève d'autant plus de la performance du jeu de course et de cette ligne offensive, c'est que faire jouer et Andrews et Stock, c'est un point extrêmement positif pour la suite de la saison. C'est vrai, je suis d'accord, et tu peux rajouter Mason, Fleming, qui ont été très bons aussi. Quoi. Ah, tout à fait, mais toute la ligne offensive. Mais... Toute la ligne a vraiment été impressionnante, et si la Garrett Blount fait ce match, c'est grâce à eux, on le sait, et ça fait vraiment plaisir, parce qu'on sait l'instabilité qu'il y a de cette ligne offensive depuis le début de la saison. Donc en fait, on est juste en train de se rendre compte qu'elle est hyper polyvalente, les joueurs peuvent jouer centre, garde, tackle, ils jouent à tous les postes, on s'adapte, et ça marche, et ça fait plaisir. Tout à fait. Je voudrais rajouter aussi dans mes petits tops, du côté de la défense, je voudrais rendre hommage quand même à Freeney, qui a superbement remplacé Collins, qui a joué 57 et 58 matchs quand même des défensifs. Donc quand même un petit top aussi pour Freeney, qui a bien remplacé Collins, qui était le grand absent de ce match. C'est vrai. Mais par contre, il efface un peu plus, même de plus en plus, Jerron Mayo, qu'on voit plus trop sur le terrain, qui est même en train de perdre sa place définitivement, à mon avis. Oui, de toute façon, Jerron, il se fait doucement pousser vers la sortie. Hein. Ouais, c'est ça, je pense, hein, qu'en fin de saison, il sera, je sais pas s'il est en fin de contrat ou s'il sera Oui, compter, oui. Mais je pense que l'année prochaine, on va pas compter sur lui, à mon avis. Non, c'est sûr que non. Donc, c'est un peu dommage que ça se soit surtout dû à une blessure l'an passé. Et parce que c'est aussi un joueur emblématique de l'effectif, mais bon, c'est la voie de la concurrence, quoi. C'est ça. Et puis Hightower, comme je disais là, il y a 2 semaines, là, dans l'émission, justement, Hightower a pris sa place, entre guillemets, d'une manière formidable. Ah oui, il a vraiment pris une dimension énorme depuis le début de saison. C'est ça, c'est ça. Donc, à partir de là, désolé pour Mayo. Moi, j'adore ce joueur, j'ai son Mayo, justement. Sans mauvais jeu de mots, et je suis un petit peu triste pour lui, mais comme tu dis, c'est la loi de la concurrence. Et quand je vois Hightower ce qu'il fait, je peux que être fan aussi. Donc à partir de là, non, on trouve Hightower l'espérance qu'on avait en lui quand il jouait à Alabama, donc le vrai capitaine de défense, et vraiment il est en train d'exploiter tout son potentiel. Et donc, côté de mon flop, je vais pas être très original, bien évidemment, je vais parler de la blessure de Dewan Lewis, parce que voilà, c'est un joueur important de notre effectif, d'une part en termes de réception, mais je pense aussi, et on va en parler tout de suite dans le débat dans quelques minutes, c'est lui qui donne aussi cet aspect à l'attaque des Patriots, qui permet, et que c'est grâce à lui que Amendola est libre, que Gronk peut essayer de se libérer, parce qu'il apporte une vraie menace supplémentaire, différente de ce qui peut être fait habituellement par les équipes NFL, et je pense que c'est un gros flop. Buffalo parce que ça peut être un très très gros problème. Mais ça, on va en parler tout de suite dans le débat. En tout cas, merci messieurs pour cette analyse concernant le match face à Washington. Et nous, on passe tout de suite au débat. C'est la grosse tuile de ce match face aux Washington Redskins, la blessure de Deion Lewis. La question de ce débat est simple, quelles vont être les conséquences de cette blessure de Deion Lewis? Alors, on pense tout de suite bien évidemment aux remplaçants qui vont commenter être Bolden et commenter être Wright. Est-ce que pour autant Bolden et Wright vont uniquement compenser l'absence de Lewis? Est-ce que potentiellement il y aura une recrue qui viendra par la suite? Alors, ça ne sera pas Travis Kadet qui vient de signer aux 49ers. Est-ce que ça sera un autre joueur? Est-ce qu'on gardera avec l'équipe telle? Et aussi, on parlera du fait que Deion Lewis a une telle importance dans le jeu des Patriots, parce que ça apporte une vraie menace à la passe qui arrive de derrière, qui peut justement provoquer des espaces, notamment sur Edelman, sur Gronkowski, etc., etc. Est-ce que ça va pas avoir une influence sur le jeu des Patriots? Est-ce que le jeu des Patriots va pas devoir changer à l'avenir, d'être plus classique avec juste un jeu de course et juste un jeu de passe vers l'avant classique et moins un jeu de passe sur les côtés comme une vraie menace, une vraie soupape de sécurité, peut-être comme Deion Lewis, ou alors, comme Bill Belichick l'a dit dans son interview aujourd'hui, qui compte énormément sur ses remplaçants et qu'il pense que tout le monde sera performant dans cette équipe. Donc, bien sûr, les deux personnes qui sont visées sont Bolden et Wright. Messieurs, première réaction, la blessure de Deion Lewis, un problème. Est-ce que nos running backs actuels vont-ils pouvoir compenser cette perte? Waouh, c'est dur à répondre. Hein. Très difficile à ce que tu nous demandes. Moi, ce que je peux dire personnellement, c'est que je suis écœuré de cette blessure. Je suis triste pour ce joueur. Et moi qui languissais d'aller à Foxborough m'acheter son maillot, bon, je dis pas que je l'achèterai pas, mais c'est vrai que ça me touche. Et je pense que ça va toucher énormément le jeu des Pats, quoi. Régis, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon, c'est un vrai coup dur. Déjà, c'était la bonne surprise. C'était un peu le coup du cœur des fans. C'était la bonne surprise depuis le début de saison. C'est clair. Ce petit running back qui sort un peu dans de ses ou et qui porte pendant un match ou deux l'attaque quasiment sur ses épaules à lui tout seul. Puis en plus ultra spectaculaire, je trouve. C'est clair. Mais alors est-ce que ça a porté préjudice? Je sais pas au final, parce que on a tellement l'habitude avec Belichick d'avoir un coup sorti de son chapeau dont de ses ou qui va et on va continuer à performer comme c'était le cas avec Lewis que je me dis que finalement c'est peut-être pas un coup dur. C'est peut-être un coup dur sans en être un vraiment, parce qu'on a peut-être de quoi compenser sa perte au sein même de l'effectif. C'est sûr. Je pense qu'il faut attendre. On verra le match déjà de dimanche face aux Giants et peut-être qu'on aura une bonne surprise, hein, que ce soit par Bolden ou White. Moi je crois pas mal en Bolden pour remplacer Lewis. Et puis Lewis, je pense qu'il commençait un peu à être attendu au tournant, parce qu'il a quand même les prestations qui parlent pour lui depuis le début de saison. Et peut-être qu'avec les échéances qui arrivent de New York et de Denver, on parle tant ce mois-ci, peut-être que un joueur sorti dont de ses ou va peut-être un peu se mettre trouble dans la défense adverse, et pourquoi pas une bonne surprise sur ces matchs-là. Bah moi en tout cas, on va dire que Wright a plus le style qu'a Lewis en termes de receveur à la passe. Maintenant, je pense que clairement, Josh McDaniel, ça doit réfléchir, ça doit travailler en coulisses, parce que je pense qu'il va y avoir clairement une réinvention de cette attaque des Patriots, parce que Deion Lewis, c'est quand même un profil bien spécifique à la Vereen, enfin, comme on a eu avec Vereen, comme on a eu avec Woodhead, avec Folk. Voilà, c'est des joueurs. Mais en fait, c'est tout à l'heure, tu disais, est-ce que ça va changer le jeu des Patriots? Mais évidemment, ça va complètement modifier le schéma tactique des Pats. Ils avaient vraiment misé sur Lewis cette année. C'était, en fait, on avait l'impression que un coup on s'appuyait sur Lewis, un coup un autre match on s'appuyait sur la double attaque à coup de deux tight end, un coup on allait un peu plus en profondeur, on visait un peu plus la fall, un coup on revenait comme ce dernier match contre les Redskins à un jeu bien au sol avec Blount. En fait, finalement, le jeu de cette année des Patriots, c'était de varier les jeux, justement, en attaque. Et ça, exactement. Moi qui adore la polyvalence, j'étais fan, c'est génial. Tu ne peux pas savoir, au moment où tu affrontes les Patriots, s'ils vont tout mettre sur Gronkowski, s'ils vont jouer sur les deux petits Amendola et Edelman, s'ils vont faire des passes à Lewis ou faire courir Blount. Voilà, donc c'était génial parce qu'on avait finalement, c'est même plus de trois possibilités, c'était quatre tactiques différentes, quoi. Et là, ça en enlève une. Alors, c'est sûr que on garde Bolden, on garde James White, on a de quoi courir. Maintenant, je suis pas certain, même si je trouve que Bolden, il a vraiment sa carte à jouer maintenant avec la blessure de Deion Lewis. Je suis pas certain qu'il rentre dans la même catégorie. Comme tu disais tout à l'heure, il y a Verrin, Woodhead, Folk et compagnie. Il y avait Lewis, Bolden, je pense que c'est pas un de ces joueurs-là. Ah, moi je suis assez d'accord de ce côté-là. C'est un joueur plus, c'est un mix entre la puissance que peut avoir Blount et Lewis. C'est un mix entre les deux. C'est vrai. Maintenant, on n'a pas ce joueur extrêmement vivace que James Wright a ce profil. Ou alors. Oui, plus. Ou alors, ce qui peut se passer, mais j'y crois pas beaucoup, c'est totalement encore une invention. Avec Bill, on ne sait jamais. C'est que Amendola ou Edelman jouent running back. Non, il fera des tactiques. Est-ce que ça serait pas impossible? Il a toujours fait courir à un moment donné des receveurs, mais il te le fait une fois, il va pas te le faire plus. Et puis surtout, je regardais dans la practice squad, c'est qu'on a vraiment aucun joueur qui rentre un peu dans ce style-là non plus, quoi. Non plus. Donc, ouais. La solution à l'heure actuelle, c'est soit Bolden, soit White. Ou prendre un joueur libre, mais bon, à l'heure actuelle, je vois pas qui peut être disponible dans ce registre. Non, on a Yagré, notre ancien coureur, qui s'est fait virer des Dolphins, mais lui, il est toujours pas dans le même registre non plus. Il est beaucoup non, plus non, au non, sol. Je pense qu'il s'appuiera, que Belichick s'appuiera sur Bolden et White ou White. Ouais, puis on verra bien. Hein. Ça se trouve, on aura peut-être une bonne surprise d'ici la fin de saison. Hein, donc, Sûr. Oui, tant il nous sort aussi encore un autre joueur. Ouais, c'est ça, exactement. Par contre, il y a quand même tout à l'heure, quand je disais les nombreuses tactiques possibles en attaque qu'on avait, il y en avait une autre aussi qu'on avait et qu'on a perdu en pré-saison, c'est quand on a eu la blessure de notre fullback, de Devlin. Oui, exactement. Voilà, là on avait aussi une autre tactique, à savoir le coureur qui suivait son fullback et James Devlin, il faisait des ouvertures de malade. Donc déjà en pré-saison, on perd une de ces variantes d'attaque. Là, avec Deion Lewis, on en a perdu une deuxième. Donc à mesure, ça s'amoindrit un petit peu. Et j'ai l'impression, moi, qu'il nous reste plus une attaque qui va dépendre beaucoup de Tom. Avec, par exemple, une double attaque tight end, ou des passes à Amendola et Edelman, ou à Laffel, etc. Donc ça va dépendre de Tom. Et moi, j'aime pas qu'en attaque, elle dépend que de Tom. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime pas trop quand Brady lance 50 passes par match. C'est ça. Parce que au bout d'un moment, il finit forcément, et c'est tout naturel, hein, pas forcer quelques passes et donc au risque de se faire intercepter. C'est ça. Et ou de prendre des sacs et risquer la blessure, ce qui est peut-être encore plus grave. Mais pourquoi pas, peut-être que la solution viendra de là. Hein. Peut-être que Bill voudra développer un peu plus son attaque à deux tight ends. Je suis un peu frustré par l'utilisation qu'on a de Chandler. Pour le moment, c'est vrai que c'est un super joueur, j'adore ce gars, mais ça peut être sa chance. Voilà, c'est ça peut être sa chance ou la chance de Williams, qu'on a vu 2-3 fois cette année réceptionner quelques ballons et qui a pas l'air maladroit avec ses mains du tout, même s'il est plus bloqueur. Je crois qu'il était blessé, non, pour ce match, il me semble, non, dimanche dernier. Ouais, non, il était sur le bord du terrain. Il était là quand même. Ouais. D'accord. Ah oui, non, je confonds avec Keyshawn Martin. Voilà, et par contre, voilà, c'est un autre joueur que j'adore. Hein, peut-être que le fait qu'il vienne de Houston, c'est peut-être une raison. C'est une certitude. mais c'est moi, je trouve qu'il peut apporter pas mal, plus que Dobson, étant donné que c'est un peu le même registre. Et... Ah, ça y est, tu l'aimes plus, ton copain Dobson? Ah, j'avais été un grand fan, j'ai cru en lui, mais je commence à... La flamme s'éteint, comme on dit. Oh, laisse-moi te taquiner un peu, je peux pas te taquiner avec Amendola parce qu'il joue bien, donc laisse-moi. Ah, non. Moi, je pense que si c'est pas Bolden ou White, je pense qu'il y aura un autre joueur qui va émerger. Il y aura peut-être un deuxième tight end, peut-être. Enfin, voilà, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire confiance en l'effectif actuel, et puis. Oui, de toute façon, Bill va nous nous sortir encore quelque chose, c'est sûr, je suis pas inquiet. C'est vrai que Lewis est également hyper important, c'était sur les turn-down longue distance, où c'est vrai que c'est presque un classique de McDaniels et de Belichick, de la petite passe latérale pour son running back qui remonte les 15 ou 20 yards qui séparent du first down. Mm. Et c'est vrai que dans ce registre-là, on n'a plus trop de joueurs qui peuvent remonter le terrain comme ça sur 15-20 yards si jamais on a une troisième tentative à convertir. Mais vous parlez quand même des rappels, comment on va remplacer les Lewis et tout. On a quand même oublié un joueur, il n'était pas tout seul quand même au départ pour démarrer en tant que running back. On a quand même souligné le match face à Washington où on a la bonne performance du jeu de course au sol, à la dure. Est-ce que ça ne sera pas une solution au final que justement, ben Blount maintenant, c'est à lui aussi de jouer sa carte de vrai running back numéro 1 de ses Patriots et de jouer clairement au sol et de montrer qu'il est capable aussi de porter cette équipe. Mais c'est pas, tu as raison, mais c'est pas le jeu des Pats. Ça a jamais été. Et rappelle-toi, quand je défendais envers et contre tous Stephen Ridley, c'était pour ça. C'est parce que je voulais vraiment un jeu au sol comme Blount est capable de le faire. Moi, je misais sur Ridley à l'époque. Je me suis trompé, c'est Blount qui a pris la place. Peu importe. Quoi qu'il en soit, on a besoin de ce jeu-là. Mais par contre, on peut pas tout miser sur ce jeu-là. Et surtout pas les Patriots. Avec un QB comme Tom Brady par le passé, un QB comme Bledsoe ou bien avant, Grogan, on n'a jamais eu des jeux où c'était au sol à fond, on n'est pas Pittsburgh si tu veux, donc pour moi si on se mettait à faire que des jeux au sol avec Blount, je pense qu'on y perdrait un petit peu notre âme, et c'est ni celle des Patriots ni celle de Belichick. Oui, mais justement, Belichick, est-ce que c'est pas son atout premier là aussi d'être capable de sortir des tactiques et des stratégies de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir des Patriots? Oui, bien sûr. Ouais, mais j'y crois pas trop, je pense pas. Après, peut-être que ça sera pas le cas et qu'on va garder un jeu de course à la dure au sol, entre guillemets, correct. Mais peut-être que justement, là où on n'attend pas les Patriots à la jeu dure au sol, peut-être que là, eh ben, on va avoir ce jeu dur au sol. Hein. Après, l'autre option, c'est peut-être que James White. Il a énormément appris depuis la pré-saison, parce qu'il a quand même joué en pré-saison. Il a quand même énormément appris de cette tactique avec Dion Lewis. Est-ce qu'il va pas tout simplement le remplacer et très bien le remplacer? C'est ce que je souhaite en tout cas. À voir. C'est vrai que depuis la saison, en tout cas, cette squad de running back est quand même bien décimée parce qu'il y a quand même eu Devlin, Lewis et aussi Gaffney, sur qui Belichick comptait pas mal en pré-saison. Du moins pendant les camps. C'est vrai que ce secteur-là, depuis le début de la saison, est particulièrement affecté par les blessures. Ouais, de toute façon, on est affecté de manière générale par les blessures. Hein. Oui. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est quelque chose cette année. Ouais, c'est vrai. Et comme j'aime à le rappeler, en 2001, quand on gagne notre premier Super Bowl, l'équipe était décimée par les blessures. Donc, l'espoir demeure. Oh, c'est pas parce qu'on a une grosse blessure que pour autant on pourra pas s'en sortir. Et vu les génies que sont Bill Belichick et même McDaniels en tant que coordinateur offensif, ils sont capables de réinventer une attaque. Tu peux mettre Patricia dedans, hein, il est bon. Ah oui, non, mais je parlais uniquement de l'attaque. Ah oui, non, ils sont tous très bons, mais voilà, d'être capable de réinventer une attaque, d'inventer de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. C'est clair que ça met un coup de moins bien. On ne sait jamais avec. Justement, là, c'est là où on les attend pas qu'ils sortent le meilleur, donc... C'est vrai, ça c'est notre force. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, Président, c'est vraiment une des forces des passes depuis une quinzaine d'années, c'est l'homogénéité du groupe. Mmh. Malgré les blessures, il y a forcément des leaders techniques sur le terrain, mais malgré les blessures, on continue quand même à être performant, quel que soit le personnel utilisé. Et c'est vraiment un des points forts de la franchise depuis l'arrivée de Belichick à la tête de l'équipe. Hein. Vraiment. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Quoi. Tant qu'il est là, il n'y a pas de raison. Exactement. Après, hein, on verra bien ce que va nous sortir. Premier élément de réponse, dès ce week-end, face aux Giants. Excuse-moi, quand tu dis Giants, ça sort tout seul. ça rappelle évidemment de mauvais souvenirs. Ça passe toujours aussi mal. J'en ai toujours mal au casque. Premier élément de réponse, je pense, face aux Giants. Et puis, de toute façon, on aura déjà un juge de paix qui sera dans 3 semaines face à Denver, où là, il va falloir quand même qu'on ait un jeu au sol qui soit performant. En tout cas, écoutez, merci monsieur pour ce débat, et puis croyons en Bill, qui nous surprenne tous sur le remplaçant de Lewis, soit à travers des tactiques, soit à travers un nouveau joueur. Merci en tout cas messieurs. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie, nous allons répondre à vos questions. Nous allons maintenant passer à vos questions. Et on vous remercie encore parce qu'elles ont été très, très nombreuses cette fois-ci. Alors, nous allons commencer par la première question, celle de Romain. Brown et Isley sont-ils vraiment l'avenir de notre front défensif ? Moi, à mon avis, je pense que déjà, Brown, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Hein. On n'a que 8 matchs dans les jambes. Après, je pense qu'on attend aussi beaucoup de lui, étant donné que Will Fork est parti juste en fin de saison dernière. Donc, peut-être qu'on espérait d'emblée, depuis le début de saison, qu'il comble un peu son départ. Pour le moment, c'est pas le cas. Que c'est un flop, je suis pas sûr non plus. Hein. Je pense qu'il faut vraiment attendre la suite des événements. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a certains rookies qui ont peut-être un peu plus de temps à s'acclimater au monde pro. Et peut-être qu'au final, il nous fera une première saison moyenne et une meilleure deuxième. Hein. On peut pas savoir non plus. Bon, je pense qu'avec lui, il faut être patient. Concernant Isley, moi c'est un joueur que j'adore. Je pense que lui par contre peut vraiment percer et devenir un titulaire aux côtés d'Alan Branch. Mais bon, comme disait le Prez, je me rappelle de son analyse post-draft. C'est vrai que c'est un joueur qui est quand même sujet aux blessures. Et moi c'est mon problème ça. Hein. Ça c'est ah ouais, je suis, problème, tu le sais. Hein. Je te comprends complètement et c'est vrai qu'il a déjà raté une partie de saison dernière, plus déjà 2 matchs il me semble cette année. Bon après hein, c'est peut-être terminé, hein. Peut-être qu'il sera blessé pendant un an ou deux. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu dis sur Isley, moi, tu sais que j'ai un problème avec le fait qu'il soit blessé très souvent. Là, pour le moment, cette saison, il a fait 9 tacles et 0,5 sac. Donc, c'est rien. Ça fait quand même très peu. Ouais, tu vois, pour sa deuxième année, alors oui, il est jeune, c'était sa deuxième année. Oui, enfin, l'an dernier, c'était la deuxième année de Jamie Collins. Il a fini la saison avec 15 matchs, 15 titularisations. Et 116 tacles pour, je ne me rappelle plus le nombre de sacs, mais genre 4 ou 5. Donc le gars était bien au-dessus. Donc pour l'instant, Isley, pour moi, est totalement en retard. Alors oui, on le sait, il a des blessures, etc. Mais moi, pour moi, un joueur que tu prends à ce niveau-là, il doit plus marquer. Oui, il doit être performant rapidement. Oui. Oui, pour moi, oui. Alors, oui, bien sûr, oui. Encore une fois, si dans 3 ans il est monstrueux, ben je dirais que j'ai eu tort de m'inquiéter pour ses blessures, tout ça. Pour l'instant, ça va dans ce que je dis depuis le début, ça va dans mon sens. Maintenant, ça sera l'avenir qui nous le dira. Hein, mais voilà, moi, je suis pas pour répondre à la question de Romain. Si pour moi, c'est Brown et Isley l'avenir, je suis un peu inquiet en fait, je suis un peu inquiet. Alors Brown, je vais lui laisser une chance, il a encore peut-être le temps. Isley, je commence à être un petit peu pressé. Alors oui, vous savez, je l'attends depuis le début sur sa forme physique. Pour l'instant, je suis pas satisfait. J'attends de voir. Il faut pas que ces blessures deviennent une excuse non plus. Hein. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on va pas dire non plus pendant 3 ans, oui, mais il a raté déjà 8 ou 10 matchs, il faut lui laisser le temps de revenir. Non, il va falloir à un moment donné qu'il soit performant. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est pas tellement le cas. Mais comme je disais tout à l'heure, après l'analyse du match contre Washington, je pense qu'au côté d'Alan Branch, il a quelqu'un de fiable et de solide côté de lui. Donc je pense qu'il faut qu'il s'en serve pour progresser, pour s'installer en tant que titulaire sur cette ligne défensive. Mais je pense que ça peut faire un bon duo de run stopper avec Branch. Donc moi, je lui laisse encore sa chance et j'y crois. J'ai eu l'occasion de le voir un petit peu évoluer lorsqu'il jouait aux Gators. Et c'est vrai qu'il était quand même ultra dominant sur la ligne. Après, donc, il avait pas c'est pour ça. J'ai envie d'y croire. Crois, hein. Aux Gators. Non, pas tout à fait au même poste. Non. Voilà, il jouait pas au même poste. Donc... Il jouait the end. Et oui, voilà. Donc il faut aussi, et là je vais prendre sa défense, il faut aussi quand même malgré tout lui laisser le temps de s'adapter à ce nouveau poste, à prendre en masse. Parce que NDT ou ND End, on n'est pas du tout sur les mêmes morphologies. Donc le gars, à mon avis, il y a aussi un paramètre qu'on ne prend pas en compte, c'est que tous les jours, il doit aller à la salle, il doit soulever de la fonte comme personne, et il doit prendre en poids énormément. Donc allez, ok, je décide d'être un petit peu plus cool aussi par ce côté-là. C'est-à-dire qu'il lui faut du temps pour acquérir ce physique qu'on demande à un défenseur central. En tout cas, moi, de mon côté, vous l'expliquez, je vais pas être original, c'est sa régularité, donc notamment est-ce que physiquement il va tenir le coup à terme pour exploiter son potentiel qu'il a, hein, comme on l'a dit au Gators, il a été totalement dominant en D1, donc est-ce que maintenant le physique va tenir et qu'il va réussir à bien s'adapter au poste de defensive tackle, oui, faut attendre. Il faut clairement attendre de ce côté-là. C'est difficile à se prononcer. Et Brown, il est jeune, il découvre la NFL. Ah, je pense qu'il a en face, il peut, potentiellement, voilà, il a rencontré des lignes défensives, il faut qu'il s'habitue au jeu de la NFL. C'est difficile de se positionner encore à date aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait un début de saison poussif. Maintenant, faut voir sur le reste de la saison. Faut espérer qu'il soit performant. Voilà, je pense qu'il va aussi bien apprendre aux côtés de Branch. Je pense que c'est surtout à partir de la saison prochaine où clairement Brown, il doit sur sa deuxième année vraiment vraiment exploiter son potentiel et qu'on doit avoir des vrais signes de progression. Après, il faut qu'il continue à progresser tout au long de la saison parce qu'on va avoir besoin de lui au fil des matchs. C'est surtout sur cette deuxième saison où réellement on va voir ce qu'il pourra donner. On pourra dire si vraiment il fait partie de l'avenir ou si c'est un joueur complément. Moi, je crois plus en Brown quand il se lève. Personnellement. C'est difficile de voir Isley, clairement je suis assez d'accord, c'est difficile de voir Isley parce que ben, avec tellement les blessures, on se dit de toute façon il va enchaîner 5-6 matchs, il va enchaîner 2 très bons matchs et d'un coup il se reblesse parce que physiquement ben, il a des problèmes physiques et donc il sera jamais, c'est cette incertitude qui fait qu'on est totalement invisible sur ce joueur, de savoir si un jour le temps qu'à chaque fois qu'il retrouve le rythme, si c'est à chaque fois un joueur perpétuel et que le temps qu'à chaque fois qu'il revient, le problème c'est qu'à un moment donné il faut qu'il soit efficace, donc un joueur qui a du potentiel mais qui revient à chaque fois, oui, sauf qu'à un moment donné il n'arrivera jamais au niveau auquel on attend. Je sais pas ce que t'en penses, président. Est-ce que, comme étant donné que t'adores Ninkovic, est-ce que si Isley était basculé à la place de Ninkovic, qui bon, il a eu un début de saison un peu délicat, même s'il revient petit à petit à son niveau, est-ce que ce serait pas peut-être une bonne nouvelle pour Isley de basculer? Honnêtement, je m'attendais personnellement à voir Isley plus reculer de DE à linebacker ou éventuellement en restant DE plutôt que DT. J'étais assez surpris de le voir virer sur le centre, ouais. Vraiment. Et du coup, je vais dans ton sens, je l'aurais limite préféré en remplaçant et en successeur de Ninko, qui, comme tu dis, vieillit un petit peu, commence à être peut-être un petit peu moins influent, même si, encore une fois, sur le terrain, c'est lui le capitaine. Hein. Même s'il est moins dans les statistiques, il est quand même leader total sur le terrain. Donc, c'est pas demain qu'il va se faire remplacer. Mais, pour répondre à ta question, ouais, je l'aurais plus vu à ce poste-là. Merci, messieurs, pour cette réponse à cette question de Romain. Bah, dans la continuité, on parlait des D-end. Bah, la question d'Arthur, est-ce que vous voyez Chandler Jones comme Defensive Player of the Year? Oh, c'est tout à fait possible. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Ouais, il est sur des bases énormes. 9,5, il est premier. Il est devant Didi Watt. Oui, c'est possible. Après, le défaut pour être défenseur of the year, ça va être si on le compare par exemple à Didi Watt qui l'a été en 2014. Bon, déjà, il a fini avec 20 sacs. Là, Chandler, il faudrait qu'il en remette encore le double. Hein. Donc, c'est chaud quand même. c'est des bases hallucinantes. Certes, est-ce que Jones souffrirait pas aussi d'un petit manque de popularité pour devenir défenseur de l'année? C'est une bonne question, oui, parce qu'on connaît les Américains, ils ont besoin de ce petit côté-là. La NFL préfère en général récompenser les joueurs assez médiatiques, que Jones ne souffre pas d'un petit déficit de popularité à ce niveau-là, et ça pourrait lui coûter le titre de défenseur de l'année. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on donne des chiffres, on parle de performance, mais le côté image, avec la NFL, il est hyper important, donc t'as pas tort, ouais, ça peut jouer contre lui. D'un point de vue statistique toujours, moi je pense que le sportif, on va dire, je pense que son défaut, c'est peut-être son nombre de tackles. Il est à peine 27, Gigi Watt en a déjà 40 et quelques, donc il est presque, pas le double, mais presque quoi. Donc il y a quand même, moi je pense que Jones, il est plus proche, Chandler Jones, il est plus proche de celui des Bengals, Dunlap. Ils sont plus dans le même registre, et d'ailleurs ils ont à peu près le même nombre de tackles. Gigi Watt, il est quand même au-dessus en nombre de tackles. Et puis il y a aussi le fait qu'il joue pas dans la meilleure défense de la ligue, alors est-ce que ça va pas là aussi lui porter préjudice comparé à un joueur comme Ware qui fait une super saison, d'un Marcus Ware à Denver, ou Akil Talib pareil qui fait une grosse saison, malgré qu'ailleurs que d'un Marcus Ware pourrait rater un mois de compétition, mais bon, c'est à confirmer, que la ligue voudrait pas récompenser un joueur qui évolue dans la meilleure défense. C'est pas impossible. Alors, il reste encore un peu moins d'une moitié de saison, donc c'est difficile à imaginer, mais ça fait part, en tout cas, mi-saison, oui, il fait partie des candidats, tout comme un JJ Watt, Ware ou Talib, qui sont effectivement qui ont plus de notoriété qu'un Chandler Jones. Autre joueur qui est potentiellement Defensive Player of the Year, celle-là c'est spécial pour le président. Je te vois venir. question de Cyril. Logan Ryan aurait-il passé un cap et du coup devenir un élément solide, deux fois meilleur plaqueur de l'équipe, plus une interception pour chaque match, élément solide de notre backfield, ou est-ce juste dû à la faiblesse de nos deux adversaires? On va parler de Logan Ryan, alors ok. Non, Logan Ryan, on en a déjà parlé plusieurs fois, pour moi, il a clairement pas le niveau, et c'est pas l'interception contre les Redskins qui va me faire changer d'avis. Il faut revoir l'interception dans sa globalité. Le ballon est lancé dans les bras de garçon qui, on sait pas pourquoi, ne capte pas la balle alors qu'elle est en plein sur son numéro, sur son chiffre, qui porte sur le torse. Le ballon rebondit, s'envole dans les airs et Monsieur Logan Ryan, qui passait par là, intercepte. Bon, je veux bien. Et qui avait 5 mètres de retard sur son receveur. Voilà, il avait 5 mètres de retard. Je veux dire, à un moment donné, alors oui, il a 4 interceptions dans la saison. Ça fait, j'en ai 2 en tête. Les 2, elles se ressemblent. C'est vraiment du retard dans l'action. Et il se trouve qu'il est là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est pas là-dessus que je vais dire, ouais, génial, Logan Ryan est enfin le défenseur que j'espère. Il joue, il a un niveau qui est correct. Pour moi, Butler est meilleur, par exemple. Voilà. Logan Ryan, il a 38 tacles, 4 interceptions. Butler, il a 45 tacles, 1 interception. Bon, oui, il a plus de tacles, Butler. Il a moins d'interceptions, certes. Mais des passes défendues, il en a 9, je crois. Alors que Logan Ryan en a 6. Donc, les passes défendues, il en a 3 de plus que Ryan. Honnêtement, je préfère Butler. Et dans le classement, si vous regardez son classement, il est en nombre de tacles 83e Butler. Ryan est 110e de la ligue. En nombre de tacles, je parle. Alors oui, certes, un cornerback n'est pas connu obligatoirement et c'est pas important qu'il fasse des tacles, c'est plus important qu'il fasse des interceptions et des passes défendues. Pour moi, c'est quand même pas, même si je défends Butler, c'est quand même pas les deux meilleurs cornerbacks qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, pour répondre à la question de Cyril, moi je dirais surtout qu'avec ce backfield-là et ces corners-là, ces deux corners, parce que même si j'adore Butler, avec ces deux corners-là, je ne sais pas si on peut aller au Super Bowl. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter la question de Tomata, qui demandait notre avis sur le backfield et quel changement faudrait-il apporter. Bah, il faut absolument un bon corner. Voilà, il faut reprendre Revis, ouais, si vous voulez. Mais surtout, quand je le paye, s'il faut, je le paye, mais il faut rappeler Revis. Ah, mais oui, il faut un joueur comme ça. Il faut un Talib, il faut un Revis. Surtout que regardez les stats, Ryan et Butler, ils ont joué 100% des jeux défensifs de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils jouent à chaque action, ils y sont. Ça veut dire que, sous-entendu, que Bill, il compte sur eux, quoi. Pour moi, Bill, il est encore en train de faire l'erreur qu'il a fait de nombreuses fois, c'est s'obstiner avec des jeunes défenseurs qu'il aime bien et souvent des jeunes corners. Dans le passé, souvent, ça nous a porté préjudice et on n'est pas allé au Super Bowl à cause de ça. Alors bon, à voir, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Je pense qu'on a un premier élément de réponse face aux Giants. Ah oui, clairement. Que les receveurs qu'ils ont et surtout le jeu de long pass et le braquage Manning. Ah oui, et Lee, il va balancer à tout va. Voilà, et je pense que ça peut être un très très bon révélateur. Moi, je suis d'accord, je te rejoins complètement. Je vous rejoins complètement. Pour le fait que Ryan, je pense qu'il ne faut pas se rester aveuglé par ses statistiques au niveau des interceptions. On se rappelle qu'il y a 4-5 ans, c'est Harrington qui avait fini premier ou deuxième intercepteur de. Mais oui, exactement. Il n'y avait que 7 interceptions. Et puis, tout à fait raison. On connaît la valeur d'Harrington, hein, très bon dans le slot, hein, rien à dire là-dessus, mais dès qu'il s'agissait de couvrir un tracé, c'était une catastrophe. Hein. Logan Ryan, pour moi, c'est un type Harrington, c'est-à-dire que c'est pas un mec mauvais du tout, mais c'est pas non plus un Revis, quoi. Oui, ouais, c'est ça, moi je pense comme toi. Hein. Ryan avait fait une bonne saison rookie, c'était plutôt prometteur, et puis je pense que depuis, bah, en fait, il a pas évolué en fait. Hein. Il a un niveau assez moyen, il est pas rassurant, que ce soit dans sa couverture ou même dans son placement. Je pense que son association avec Butler, malgré que moi aussi j'adore Butler, hein, j'adore sa hargne, sa combativité ou son envie de gagner, mais je pense que c'est trop juste pour amener un titre. Et alors peut-être après, il est qu'en deuxième saison, Butler. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Il faut lui laisser le temps. Ryan, il est à sa troisième saison, donc on peut être peut-être un poil plus exigeant. Bien entendu qu'ils sont jeunes, mais moi, il y aurait Ryan et Butler qui seraient remplaçants de Revis et Talib, je dirais, mais ils sont géniaux, ces deux jeunes. Mais là, en tant que titulaire, c'est un peu léger, quoi. Ah oui, c'est pas complètement. Je pense que même c'est peut-être même un peu juste pour aller au Super Bowl. Après, Butler, oui, il faut être patient. Il est jeune, il sort d'une toute petite fac. progression, mine de rien, quand même assez rapide pour un joueur comme ça. Mais je pense qu'il a quand même il peut devenir un bon corner. Sachant que derrière, on a aussi un autre jeune qui est Coleman. Hein. Et qui est. Alors, moi, je l'ai un petit peu critiqué sur un match. Bon, le pauvre Coleman. En fait, je critique pas lui, je critique les choix. En critiquant ses joueurs, je critique le choix de Bill de laisser des si jeunes joueurs à des postes à responsabilité comme ça. Donc, ce pauvre Coleman, je l'avais critiqué, il n'y a rien contre lui, et je le trouve pas si mauvais en réalité. Et surtout d'avoir été lancé dans le bain quasiment dès son arrivée, 2 jours plus tard en fait. Hein. C'est vrai. Donc, il n'a pas eu trop le temps de s'adapter, et pourtant, pour un joueur si jeune, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Affaire à suivre, étant donné qu'à moins qu'il nous sorte une recrue en corner, mais je pense que là, ça a commencé à être tard. Donc, Non, ça serait trop tard là, maintenant. C'est ce qui m'angoisse un peu pour la suite, hein, pour tout vous dire. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tôt ou tard, on va le payer. On est en train de revivre, alors que je me trompe pas dans l'année, hein, président, tu me dis si je me trompe, mais 2011-2012, où... C'est ça, ouais, où c'était, où en fait, c'était la porte ouverte sur des longues passes, où on prenait des 15 yards, 20 yards... Mais rappelle-toi, à chaque fois je reparle de Yedigbo, c'était cette époque-là, on devenait fou, tous les lundis, quand je faisais ma... Mon analyse du match, je devenais dingue. Ben oui, on est en train de revivre ça. Alors pour l'instant, ça s'est pas encore trop ressenti dans les matchs puisqu'on n'a pas perdu. Mais moi, je suis désolé, mais si on arrive à faire une saison à 16-0, mais qu'après on perd au premier tour sur 3 bombes lancées dans les dernières secondes, ça va m'énerver. Oui, mais je pense qu'on aura un révélateur avant. Déjà face aux Giants, face aux Denver, qui seront des gros révélateurs de ce côté-là, surtout... Ça sera plus Denver. Giants, on en parlera tout à l'heure, parce que tu vas faire la rubrique sur le match suivant, qui est contre les Giants, justement. Mais à mon avis, les Giants, tu peux faire illusion. Denver, contre l'autre Manning, tu ne feras pas illusion. Oui, c'est sûr, il a plus de cibles. Moi, ce qui m'embête avec l'histoire du backfield défensif, c'est qu'à une époque, on avait Yedigbo, Cole et Moore, et j'ai l'impression qu'on n'a pas appris de nos erreurs, finalement, on retourne dans les mêmes travers. Quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui me rend un peu fou, en fait. Bah, c'est le défaut, il n'en a qu'un, bon, pour moi, c'est le défaut de Bill. Quoi. Question suivante, là, on va passer du côté de l'attaque, celle-là va être pour Régis qui est un grand fan d'Amendola, qui nous demande donc que la situation Danny Amendola de plus en plus en confiance depuis l'année dernière, de plus en plus décisif, va-t-il devenir le Danny Amendola que nous espérons en ayant investi beaucoup sur lui? Oui, c'est un sujet un peu... on sait que le fan club est un peu tiraillé sur ce sujet-là. Bah, je pense qu'il est arrivé dans une situation, il est arrivé juste après le départ de Welker pour le remplacer. C'est vrai qu'on a tout de suite assimilé, on s'imaginait qu'il allait rentrer dans le même rôle et apporter tout ce qu'avait fait Wes Welker. Finalement, c'est pas passé comme prévu. Puis il y a eu l'éclosion d'Edelman et finalement, au fur et à mesure, il a pris un rôle différent à Mendola. En vrai, c'est un joueur que j'adore. Alors, je suis peut-être pas très objectif là-dessus, mais je trouve qu'il a quand même un rôle hyper important au sein de cette attaque. Parce qu'il crée pas mal de brèches pour Edelman. C'est un vrai travailleur de l'ombre où il est capable de faire le plusieurs matchs sans réceptionner un ballon. Mais il sera quand même présent pour réceptionner la passe qui va amener un first down important ou un touchdown décisif. On l'a vu l'année dernière contre les Jets notamment, ou en playoff aussi. Donc, et puis petit à petit, il a gagné un peu la confiance de Brady et du staff, je pense, parce que au début, on leur reprochait de relâcher quelques ballons, et c'est plus le cas maintenant. Et puis c'est quand même un joueur qui a une super mentalité. Donc c'est un joueur hyper important. Après, c'est vrai que son contrat, pour l'apport qu'il a niveau statistique, c'est vrai que son contrat est peut-être un peu énorme. Mais je pense que c'est un joueur important. C'est un joueur sur lequel Brady et le staff comptent. Et moi, c'est un joueur que j'adore tout simplement. Donc moi, je suis bien content qu'il soit chez nous et j'espère qu'il sera encore là la saison prochaine. Et qu'il continuera d'apporter comme il le fait depuis le début de saison. Que voulez-vous rajouter à ça? Ah non, mais il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Tu as tout dit, Régis. C'est un joueur qui travaille dans l'ombre. C'est un joueur qui n'arrête pas de bosser à l'entraînement, qui est apprécié de ses coéquipiers. Moi, c'est un joueur que j'apprécie voir sur le terrain. Comme tu dis, par son petit travail de son côté qui permet d'ouvrir d'autres brèches et qui permet de faire avancer l'équipe. Donc c'est des joueurs indispensables et je pense que c'est tout à fait le genre de joueur qui, si on va en playoff, On va on tombe contre une équipe où le match est un petit peu serré, qui peut faire la réception qui délivre l'équipe parce que l'équipe adverse, il s'attendait plus à voir un Gronkowski ou un Blount à la course. Et je pense que ça peut être super intéressant et peut-être traîner un touchdown magique en playoff qui nous fera rêver, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que le fameux jeu à 3 avec Edelman, Brady et Amendola face aux Ravens l'année dernière en playoff, je pense que si la passe d'Edelman est pour Amendola, c'est pas un hasard. C'est vraiment que le staff était sûr de son coup. Et si ils n'avaient pas confiance à 100% en Amendola, c'est un autre joueur qu'ils auraient choisi ou ils auraient peut-être même pas fait ce jeu-là. De toute façon, Bill, il a confiance en lui depuis le premier jour, hein, clairement. Oui, donc Ouais. je pense qu'il faut revoir un petit peu pour les plus sceptiques l'image qu'on a de lui et qu'il faut pas trop l'assimiler à ce qu'on espérait à son arrivée pour Ouais, remplacer. voilà, je crois que les sceptiques, ils ont confondu Amendola avec le clone de Walker. Non, c'est pas parce que c'est le même type de joueur dans leur morphologie, dans leur attitude, qu'ils jouent pareil. Donc Voilà, je c'est crois ça. que le défaut, il était là, quoi. D'ailleurs, petite info hein, pour ceux qui sont pas au courant. Welker vient de signer un an aux Rams. Et oui, parce que Fred va s'acheter le maillot des Rams, d'ailleurs. Ça, voilà. Autre nouvelle, Fred. Notre crazy canadienne va devenir fan des Rams. Voilà, donc Crazy Canadian quitte le fan club français des New England Patriots pour prendre celui du fan club français des Rams de Saint-Louis. Rams, où ils sont deux. Non, mais c'est sûr qu'Amendola, c'est devenu une pièce maîtresse, voilà, qui travaille dans l'ombre, qui est apprécié par tout le monde et par Bill aussi. Je pense qu'on l'a vu déjà sur les playoffs l'année dernière. C'est un élément dont on va avoir besoin pour les matchs à venir et aussi pour les playoffs, parce que justement, c'est le joueur sur lequel, entre guillemets, les équipes adverses défendent moins, ou mettent en tout cas un corner 3, voire 4, selon ce combien il y a de joueurs sur le terrain, et c'est grâce à lui que peut venir effectivement la solution. Et ça sera peut-être lui, d'ailleurs, le grand bénéficiaire de la blessure de Lewis aussi, parce qu'ils vont, au final, les équipes adverses s'adapter, ils vont peut-être plus défendre sur Amendola ou sur Gronk, et ça va créer encore plus d'ouverture pour Amendola. Et c'est surtout un joueur hyper décisif. Hein, on l'a vu en playoff et au Super Bowl l'année dernière. On l'a vu ce fameux touchdown face aux Jets à domicile l'an passé. On l'a vu cette année face aux Cowboys. On l'a revu face aux Jets avec une super réception long de la touche. Donc ouais, et en plus, ouais, il est super beau à avoir joué. Donc c'est tout bénef pour nous, je pense. Régis est amoureux. Je suis fan, hein. Je sais pas quand tu dis qu'il est beau. Ouais, excuse-moi, Cela ne nous On ne veut regarde pas pas. savoir. On passe tout de suite à la question de Jean-Jacques. Que pensez-vous des choix de Bill Belichick en Special Team, Slater, homme de l'ombre et pièce maîtresse de cette Special Team? Oh oui, il y en a des choses à dire là. Ça m'étonne pas que ce soit GGJ qui ait posé cette question. Vas-y, tu veux commencer, Régis, ou... Oh, si tu veux, oui, forcément, quand on parle de Special Team, on pense tout de suite à Slater, capitaine de l'escouade, qui est un vrai homme de base dans le vestiaire. D'ailleurs, on le voit souvent dans les caméras du vestiaire, c'est lui qui lance les cris de guerre à la fin du match. Et pour la Special Team, au sens large, c'est vrai que Belichick, en général, a une vraie ligne de conduite. Ça, depuis plusieurs saisons, on voit les joueurs comme Slater, Bolden, Tavon Wilson, ou Ebner ne jouaient qu'en Special Team. Donc il a su la construire, son équipe, fur et à mesure. Je pense que ça paye plutôt pas mal, que ce soit avec Gostkowski, qui est le meilleur kicker de la ligue, et puis aussi sur les retours de punt, où même si pour l'instant ça s'est pas trop vu cette saison, mais on a déjà vu par le passé Edelman remonter plusieurs fois pour des touchdowns. Donc moi je pense qu'on a une bonne escouade d'équipe spéciale. C'est vrai que ça serait pas mal que ça se concrétise, pardon, un peu plus cette saison. Hein. Pour répondre à la question de Jean-Jacques, moi je pense que l'équipe spéciale elle a pris une nouvelle dimension cette année. C'est-à-dire que Au-delà de Slater qui est énorme, qui est comme tu dis dans le vestiaire vraiment un leader et sur le terrain qui est un capitaine de l'équipe. Au-delà de lui, on est sur un nouveau schéma tactique avec Joey Judge, le nouveau entraîneur des équipes spéciales, qui a remplacé O'Brien, qui avait un autre type de jeu. Là, on est sur des surprises. On l'a vu dans le match des Redskins, justement, avec ce coup de pied de ce onside kick qui est frappé magistralement. On dirait un joueur de soccer, le gars. Au moment, c'est un plat du pied magnifique. Donc, on est sur un nouveau style de jeu et je trouve qu'il y a des joueurs qui prennent vraiment une importance folle dans ce système de jeu d'équipe spéciale. Je pense notamment à Ebner qui est vraiment très bon et qu'on voit sur chaque action. Slater, bien sûr, on l'a dit, et puis tu as cité les autres Régis. Sans parler, bien sûr, de Gostkowski qui a 19 sur 19, qui est juste hallucinant, qui est le meilleur de la ligue. Je crois qu'il y a celui des Giants aussi qui est pas mauvais, hein, de kicker. Dallas aussi, enfin, il y en a d'autres. Deux, trois qui sont vraiment très bons, mais Ghost, il est vraiment hallucinant en ce moment. Et puis, il faut pas oublier Ryan Allen, quand même, qui est un punter, qui est tout sauf mauvais, Ouais, là. tout à fait. Pour parler de Slater, j'avais une question. Alors après, je le comprends qu'il voulait se dédier uniquement à la special team et que c'était sûrement fait exprès. Mais pourquoi on lui a pas laissé sa chance en tant que titulaire, en tant que receveur? Mais parce qu'il apporte trop en équipe spéciale. C'est-à-dire que tu peux pas mettre un joueur et en équipe spéciale et en attaque comme receveur. Ça, tu as NFL, ça n'existe pas. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Oui, c'est arrivé dans le passé, mais les mecs qui font ça, il leur faut un côté athlétique juste monstrueux. Tu avais Deion Sanders qui faisait cornerback et retourneur de coup de pied, mais bon, ça n'y en a pas. Qui était vraiment très fort là-dedans, mais tu n'en as pas non plus des milliers. Hein. Il joue de temps en temps, hein. Il fait une ou deux réceptions. Hein. Pardon, un ou deux jeux, après pas forcément réception, ouais. Autant pour moi. Je vais même rajouter, moi, pour répondre à cette question, la question de Jean-Luc qui nous demandait quel est le meilleur joueur des Pats et celui qui est indispensable à la bonne marche de l'équipe. Eh bien, moi, clairement, celui qui, pour moi, est le plus indispensable de cette équipe, c'est Gostkowski. Parce que c'est lui qui nous fera gagner les matchs en playoff, sur des matchs serrés, qui nous marquera des 3 points de plus de 50 yards quand l'attaque avancera moins bien. C'est. Voilà. C'est, je pense. Oh, bah oui, il y a Tom Brady qui nous fera gagner le Super Bowl, ou la défense, etc., C'est pas etc. faux, moi ouais, tiens. Voilà, Tom, on ne l'avait pas dans les stats. Mais je pense que celui qui est au final le plus régulier, le plus performant, et celui dont on sait qu'on peut compter sur lui, sur. Oui, bien sûr, mais bon, ça C'est oui, on Logan le met même Ryan. pas dans les stats. C'est Logan Ryan. Voilà, c'est Logan Ryan qui doit être le MVP de la saison. Pardon, c'est sorti tout seul. Surtout, Gostkowski a su. On pouvait craindre la perte d'Aiken l'année dernière, et il a bien su s'accorder avec Cordona C'est après sa vrai. draft. Et du coup, la transition s'est faite parfaitement, et ça n'a pas influé sur les performances de l'équipe spéciale. Et là aussi, on peut dire que Belichick a eu l'œil sur ce coup-là. C'est vrai. Et donc, pour vous, messieurs, ben, justement, pour répondre à la question de Jean-Luc, quel est le meilleur joueur des Pats, en tout cas celui qui est le plus indispensable à l'équipe? Bah moi je dirais Belichick. Alors là, mais encore une fois, que veux-tu répondre à ça? À la Non, moi rigueur, c'est. Ahmed Dola. Moi, je dirais Gronk. Je dirais Gronk, ouais. Parce que, et pourtant, j'adore ce joueur, mais c'est pas mon joueur préféré pour autant. Mais je pense que Gronk, il a le niveau d'un MVP. Alors, un MVP Titan, ça s'est jamais vu. Mais il est dans la lignée d'un Shannon Sharp, ou d'un, même il est meilleur que Ben Coates de l'époque aux Pats, alors que c'est un mec qui était au Pro Bowl quasi chaque année. Donc non, là on a avec Gronkowski un des meilleurs tight ends de l'histoire de la NFL, du football américain. Donc on a une chance folle d'avoir ça dans notre équipe et de le voir tous les dimanches avec notre maillot sur les épaules, quoi. Et toi, Régis, c'est qui ton meilleur joueur, en tout cas celui qui est le plus indispensable? Ouais, je pencherais pour Ghost ou pour Gronkowski, hein. Je vais pas être très original, mais Je pense que Gronkowski peut rendre, si on part du principe que Brady se blesse, Gronkowski pourrait aider un quarterback remplaçant à performer, à maintenir l'attaque en bon niveau. Et puis Gronkowski parce qu'il peut faire gagner les matchs n'importe quand et de n'importe quel endroit du terrain et par n'importe quel temps aussi d'ailleurs. Je pense que ces deux joueurs-là sont peut-être les joueurs les plus importants. Et donc pour terminer sur ces questions, en tout cas au niveau des Patriots, la dernière question est celle de Seb. Quels sont les secteurs à améliorer pour avoir une équipe irréprochable? Bon, on en a parlé déjà. Pour moi, c'est les defensive backs. Ouais, tout à fait. Voilà. Hein. J'ai envie de dire, c'est tellement dommage de voir cette équipe avec les deux corners dont on parlait tout à l'heure. Mais même Harmon, j'adore ce safety. Il a vraiment un bon devenir. Il a un potentiel. Je suis désolé, il n'est pas dans la lignée des monstres de la NFL, quoi. Donc, on a je trouve, des bons joueurs, Pas dans les bonnes mais conditions. ouais, on pourrait avoir mieux, je pense. Merci messieurs pour vos réponses concernant les questions sur les Patriots et vous retrouverez la suite des réponses du président et de Régis la semaine prochaine dans notre émission. Et maintenant, nous allons passer à la quatrième partie, le match face aux Giants. Prochain rendez-vous pour les New England Patriots, le match face aux Giants. Nos grands amis qui nous ont fait souffrir tant et tant de fois pendant ces Super Bowls. On vous en a parlé tout à l'heure avec le président. Petit coup d'œil rapidement sur les performances des Giants. Cinquième au niveau du scoring, au niveau des points, avec plus de 27 points en moyenne par match. 21e en termes de yards, 349. Au niveau de la passe, ils sont 14e de la NFL avec 253 yards. Et au niveau de la course, ils sont 24e de la NFL. Au niveau des absents, sauf surprise, Victor Cruz ne sera pas là. Il revient à peine de blessure. Alors il revient juste de course, même si Bill Belichick croit que Victor Cruz sera de retour. Voilà pour le principal absent. On connaît la force d'Eli Manning à faire des longues passes. Il y aura Beckham Junior. Ma question, messieurs, elle est toute simple. Doit-on avoir peur de ces Giants? Peur, non, je pense pas, parce que c'est pas non plus l'équipe la plus dangereuse de la ligue. C'est sûr qu'on a forcément des mauvais souvenirs qui ressurgissent, mais oui, il faut s'en méfier quand même. Déjà parce qu'ils jouent à domicile, et puis ensuite on connaît un peu même si les joueurs viennent des quatre coins du pays, on connaît la rivalité qu'il y a entre New York et Boston. Donc ça sera forcément un match à part, comme une sorte de derby ou de match de division. Donc oui, il faut s'en méfier. Ils ont quelques arguments avec Beckham. Manning, je suis pas fan du tout, mais sur un match, il est capable de nous sortir un match à 4 touchdowns. Hein. Et puis vu la faiblesse de notre dernier rideau défensif, on peut se faire quelques soucis. Mais je pense qu'on a largement les armes pour s'imposer et puis laver l'affront des deux derniers Super Bowls. Donc moi je pense qu'on l'emportera là, mais ça sera compliqué, oui. Moi je pense que ce match des Giants, il a tout d'un match piège. Alors bon, c'est un match de saison, ça a pas grand enjeu, on est à 8-0, éventuellement perdre un match ça serait pas dramatique, mais il a tout du match piège parce qu'il est déjà dans un moment de la saison où on commence à se préparer doucement à la deuxième partie de saison, mais surtout à l'approche des playoffs, qui va arriver malgré tout plus vite que ce qu'on croit. Et les Giants, c'est le match piège. Pourquoi? Bon, déjà, Eli Manning, on connaît sa capacité à lancer des bombes. Et face à notre backfield, ben, on en a parlé tout à l'heure, ça pourrait se retourner contre nous. Donc, ça sera un bon test, mais en même temps, ça peut un petit peu faire peur. La connexion de Manning avec Beckham Jr., qui a encore fait dimanche dernier plus de 100 yards, il faudra s'en méfier. Donc ça sera sans doute une des clés du match, comme j'aime les donner. Et puis, on a les Giants qui, finalement, sur le papier, ont des stats plutôt moyennes, mais qui sont quand même cinquième attaque de la NFL au nombre de points, en ayant en même temps la moins bonne des défenses. Ils sont derniers en termes de défense. Et ils sont pourtant premiers de la NFC East. Et en même temps, ils ont un ratio, alors ça je sais plus la stat exacte, mais le ratio turnover que j'ai vu, ils sont genre à plus 12, je crois. Un truc dans le style. C'est-à-dire que les gars, ils sont pas forcément impressionnants sur le papier, mais ils peuvent complètement vous battre en fait. Donc voilà, je crains un petit peu ce match, j'avoue. Je suis pas inquiet non plus, hein. Je pense qu'on peut complètement les battre. On est sur le papier, en tout cas, on est clairement meilleur qu'eux. Mais avec un coach comme Tom Coughlin, avec le retour de Pierre Paul en défense, avec en face notre ancien coureur Vérine, et tout ce que je viens de donner comme élément, je pense qu'il faut s'en méfier, oui. C'est oui, non, moi je suis assez d'accord de ce côté-là. C'est clairement le match, c'est un des matchs pièges de la saison. Voilà, c'est une force d'attaque au niveau de la passe qui a un risque pour nous vu notre backfield. Voilà, t'as parlé des Vérines qui est aussi, je pense, un élément clé, même si les Patriots se connaissent ce jeu justement de running back receveur. Donc potentiellement ils sont. Il est troisième meilleur receveur de l'équipe, Voilà, Vérine, mais. hein, et voilà, Nous, c'est on sait le limite un défendre. receveur, le Ah ouais, joueur. mais on sait le défendre. Et puis on a quand même un des meilleurs linebackers quand même en termes de défense contre la passe, qui est quand même Jamie Collins. Donc normalement, il doit revenir. Donc je pense qu'on doit être capable. Et puis on a travaillé ça tout au long de la saison quand la défense affrontait l'attaque aux entraînements. Donc je pense qu'on défendre sur Vérine, j'espère, ne devrait pas poser de problème. Par contre, j'ai plus peur de la défense effectivement face à Odell Beckham. Butler va avoir fort à faire. On va voir si il aura fait des progrès par rapport au match qu'il avait fait en début de saison, face notamment à Antonio Brown, s'il va être capable d'un peu plus museler Odell Beckham notamment. Donc voilà. Ça va être intéressant. Non, ce sera un match, je pense, très intéressant et à pas rater. Non, ça va être, je pense qu'il va être, voilà, clairement riche. Je languis un petit peu de voir ça. Ça va être un match riche d'enseignements. C'est clair. Et si je peux me permettre, bon, j'en parlerai sans doute dans ma prévision hebdomadaire de ce match, mais je pense qu'il y a un match dans le match qui va être hyper intéressant aussi. C'est le duel entre les deux kickers, entre Josh Brown des Giants. Et Exact. Ghost, ils sont tous les deux à 19 100%. field goals réussis sur 19. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en premier de la NFL tous les deux. Donc on a un affrontement entre les deux meilleurs kickers de la ligue. Et est-ce que le match, il va pas se jouer sur un coup de pied à 3 points? Ça pourrait être intéressant aussi. Ou sur, je peux poursuivre dans ce que tu disais, ou sur tout simplement sur l'équipe spéciale parce qu'ils ont avec Dwayne Harris le meilleur retourneur de punt C'est vrai, de la ligue cette ouais. saison avec 34 yards, je crois, il me semble, de moyenne. C'est vrai que ça serait dommage de concéder un touchdown sur retour de punt ou de leur apporter un bon placement sur le terrain après coup de pied. Donc je pense que ça peut être une des clés du match si le score est serré. Ouais. C'est vrai qu'il faudra se méfier de cette partie-là du jeu. C'est vrai. C'est ça. Et puis on a un terrain clairement hostile vu qu'on sera à New York. Mais ce sera pas gagné. Mais je pense que si on met la pression sur Eli, il y a possibilité de s'en sortir. Parce qu'on sait que même s'il a progressé sous la pression, Manning, il aime clairement pas prendre les coups. Ah non, non, il Et aime pas, et puis on il est quand même est. la deuxième équipe de la ligue en termes de sacs. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, être un peu plus performant que dimanche face aux Redskins. Que même si Beckham est là pour une arme dangereuse, je pense que si on met la pression sur Manning en défense, on devrait pouvoir tenir le coup. Parce que côté de l'offense, bon, ils ont la pire ligne défensive en termes de sacs. Donc je pense que Brady a largement de temps de lancer dimanche. Les capacités de leur linebacker à couvrir les passes, c'est assez moyen. Ouais, c'est d'accord. pardon, on a moyen de faire la différence en attaque. Je pense une courte victoire, mais victoire quand même. Parce que ouais, moi je dis, fais attention. Je pense que moi, c'est que aussi, faut pas oublier une chose, c'est que Brady, il est quand même en mode, je veux rouler sur toute la ligue parce que je suis vexé. Le voir, il voudra surtout pas que ce soit encore les Giants qui lui empêchent de rouler sur tout le monde. Déjà qu'il s'est fait battre au Super Bowl par les Giants, si c'est encore les Giants qui s'amusent à rappeler à l'ordre les Patriots en gagnant. Voilà, je pense que Brady va être extrêmement énervé, il va être extrêmement remonté. Donc j'espère que de ce côté-là, ben, il va sur bien jouer et qu'il va pas s'énerver si ça passe avance un peu moins bien, ben, dû à l'adaptation aussi, il faut pas oublier de l'adaptation de l'absence de Lewis. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres qui sont assez indécis sur ce match-là. Donc on espère effectivement que de tout cœur qu'il gagne contre ces Giants, voilà, par tout l'historique qu'on a pu avoir, ça reste un match de saison. Même si on perd contre les Giants, ce n'est pas grave tant qu'on en tire les leçons et que ça mette en évidence nos erreurs, qu'on puisse les travailler sur cette fin de saison. Même si on n'a pas de bye week pour les travailler, voilà, qu'on puisse les travailler sur cette fin de saison et qu'on soit, bah, qu'on soit après performant pour les playoffs. Si c'est d'une défaite utile, même si c'est contre les Giants, ça peut potentiellement faire du bien. Oh oui. Je pense que le facteur X, justement, ça peut être le fait de s'adapter à l'absence de Lewis. Et de sortir aussi de Eli Manning du terrain. Donc je pense que là, typiquement, le jeu tour, ce qu'on a travaillé face aux Redskins, la Garrett Bolt, il va falloir qu'ils reproduisent les mêmes efforts. Moi, j'ai envie de voir le jeu au sol hein, contre les Giants. Ouais, exactement. Alors, ils n'ont pas une défense hallucinante, donc ça devrait bien se passer, mais j'aimerais bien, je languis de voir un petit peu White, Bolden, Blount, un peu qui l'utilise, et pour en revenir faire un petit peu pour boucler la boucle, et revenir sur le début de l'émission, savoir quelle tactique offensive Bill va utiliser, quoi. Ça, on verra bien. Ben, sur ce, messieurs, il me reste à vous demander votre pronostic pour ce match. Vas-y, Régis, je t'en prie. Je pars sur une victoire 27-24. Ah, c'est rigolo. En prolongation. Allez. En prolongation. Moi, je miserais, j'allais dire, je l'avais noté sur un papier, moi, je mise pour un 28-27 pour les Patriots. Donc, je suis assez proche de toi, finalement. Mais moi, pas en overtime. Avec un petit coup de pied à la fin de Gostkowski. À la dernière seconde, pour leur faire mal, ça serait pas mal. Ah ouais, voilà, oui. Alors, je sais pas si c'est mon pronostic ou mon rêve, mais peut-être un peu les deux. À toi, Cédric, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, ce que je vous propose... Attention, parce que l'émission te sera renvoyée. Selon ce que tu dis. Bon, ben malheureusement, je pense qu'il est possible que ça fait mal au cœur de. Ça me fait mal au cœur déjà de ce que je vais dire. Aïe, j'ai mal. Ah oui, tu peux t'imaginer de ce que je vais dire. En fait, ça dépend. Sur le principe, ça peut y avoir soit c'est difficile, c'est d'être partagé. Soit effectivement, on peut gagner. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne soit en prolongation, soit un figo 3 points pour mettre voilà Gostkowski en évidence. Maintenant, je vais dire une... je vais me faire chambrer. Je vais dire une défaite des Patriots 25 à 35. Ah, quand même, oui. Je pense qu'à un moment donné, cette défense de backfield va le défaut qu'on va céder. Et Eli Manning est juste, enfin, avec ses bombes, même s'il n'a pas Cruz et il aura d'autres joueurs qui font qu'il va mettre en avant. Alors, je suis d'accord avec toi, on ne va pas débattre d'un match qui n'a pas encore eu lieu, mais je me dis que même si moi aussi, cette frayeur, tu le sais, je l'ai par rapport à Logan, Ryan ou Butler, mais il y a quand même un Harmon qui joue relativement bien. Alors, il est blessé, est-ce qu'il reviendra, ça, c'est, pour l'instant, je ne sais pas encore. Il y a quand même un McCourty qui est présent. Il y a quand même un Pat Chung, on n'en a pas parlé, Patrick Chung qui fait, je trouve, une super saison, qui revient un petit peu dans ce qu'il était au tout début quand on l'avait drafté il y a quelques années. Et puis, tu as un Coleman qui joue relativement bien. Donc, face à Eli Manning qui a le 15e rating de la ligue. Alors, 15e rating, il a quand même 96 de rating, donc c'est pas mauvais, hein, mais je pense qu'on peut... Allez, on peut y arriver, quoi. Donc, je suis plus optimiste que toi. Moi, j'aime bien prendre des risques et passer pour ridicule, et... de cœur, on aimerait gagner tous les matchs, mais j'aimerais bien qu'on perde. Je vais être franc, j'aimerais bien qu'on perde pour pouvoir travailler sur cette défense, sur ce backfield, et à un moment donné... Ouais, tu aimerais bien une défaite qui finalement ferait réfléchir l'équipe et serait positive à terme. Je pense qu'à un moment donné, parce qu'on a trop ce défaut du backfield, enfin on en a déjà parlé pendant toute l'émission, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais trop ce défaut du backfield pour pas qu'à un moment donné, il n'y ait pas... Au moins, j'espère à un moment donné, une défaite pendant la saison... Pour pas que ça soit en playoff. Je sais plus avec qui j'en discutais aussi, qui me disait qu'il espérait une défaite. Alors, c'est difficile d'espérer une défaite. Évidemment, mais... Moi, ça, j'en suis incapable. Mais qui espérait une défaite à un moment donné, je crois que c'était Fred, Crazy Canadian, qui me disait pour qu'à un moment donné, on prenne pas trop confiance et que finalement, on se fasse pas un 16-0 pour après perdre encore au Super Bowl, quoi. Exactement. Donc finalement, pour un peu désacraliser le côté zéro défaite qui peut finalement te mettre une pression en plus et qui n'est pas forcément nécessaire. Moi, personnellement, je pense qu'on peut finir la saison avec zéro défaite. Après, il suffit d'un match hein, pour que ce ne soit pas le cas, mais c'est faisable. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Je ne sais pas. Là, c'est un autre débat qu'on pourra faire une autre fois. Exactement. Ben en tout cas, voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier, en tout cas, pour votre participation. Merci à toi, Cédric. Merci à toi, Régis. Très plaisir Merci d'être à avec vous pour toi, l'invitation. d'être avec mon sergent Régis, qui m'aide énormément au fan club. N'hésitez pas à nous retrouver, que ce soit sur Facebook, sur le fan club français des New England Patriots, sur le forum ou encore sur le blog. Moi, il vous reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots, partout, partout, toujours! Toujours! Bonsoir! Bonsoir!